Bonsoir et bienvenue dans la machine à son, chers amis. Alors, comment allez-vous dans ce monde trépidant? J'espère que vous prenez le temps de vivre tranquillement, sans vous laisser emporter par tout ce flot de vitesse, de gens pressés, de comment dire, d'excitation, d'affolement, de je sais pas quoi, enfin, etc. Et oui, là, en attendant que l'émission puisse démarrer, qu'il soit l'heure, avec le professeur, nous avons beaucoup discuté du thème de ce soir. Parfois, nous sommes un petit peu philosophes, parfois, je dis bien. Et donc, ce soir, le thème général, l'inspiration du professeur pour cette émission, c'est « Make it fast, make it slow, but make it ». En gros, pour ceux qui ne connaissent pas le British, faites-le vite. Faites-le doucement, mais surtout, faites-le. Donc voilà, donc une émission qui va porter, vous l'avez compris, sur un pan rapide et un pan plutôt lent. Alors la lenteur avec le professeur, c'est pas toujours ce que certains appellent la lenteur. Mais j'avoue qu'il a fait un petit effort quand même, voilà. Donc voilà, donc vous allez osciller entre des moments plus ou moins rapides, plutôt rapides même, et des moments de détente, d'introspection, de calme, de choses comme ça, de voilà, la lenteur. Et oui, parce qu'on est, en fait, la conclusion du professeur, c'est que voilà, on est dans une époque assez étrange, c'est que d'un côté, on glorifie tout ce qui est speed, il faut aller à fond, il faut faire des trucs vite, il faut machin, il faut que tout arrive sur l'instant, et etc. Ben, voilà, je ne vais pas vous brosser le portrait de votre époque, puisque vous la vivez en même temps que nous. Et à côté de ça, on a quand même une recherche de la lenteur. Voilà, il y en a qui font du slow food, slow machin. Vous avez remarqué, dès que c'est slow, c'est un peu chicos. Mais bon, peu importe. En attendant, voilà, il y a tout un système qui cherche à aller plutôt doucement, tranquillement, prendre le temps de faire les choses. Voilà, et le professeur s'est reconnu là-dedans, parce que lui-même, en fait, il est comme ça, à part que, bon, il est toujours un peu impatient, donc il a quand même une tendance rapide. Mais heureusement, moi, je compense avec mon côté paisible, tranquille, voilà, jamais plus vite que la veille, ou quelque chose comme ça, voilà. Donc, que vous dire de plus par rapport à ça? Pas grand-chose, mis à part que vous allez pouvoir donc à la fois vous détendre et en même temps vous faire monter un peu l'adrénaline, voilà, le machin, quoi. Donc, moi, je pense que, voilà, à l'heure de la machine à son, c'est parfait. C'est un mélange qui, normalement, devrait à la fois vous faire faire un petit peu d'exercice. Vous allez danser, pousser, peut-être faire tomber des choses, peut-être casser des choses. Et à côté de ça, vous allez vous détendre, vous allonger par terre, penser, réfléchir, méditer, ne rien faire. Et oui, c'est ça. Donc, n'oubliez pas, make it fast, make it slow, but make it. Sometimes I live it fast. Sometimes I live it slow. Make it fast. Make it fast. Make it fast. Make it fast. Darling. Fast. I need it fast, and I need it days. Amor, amor, soy muy feliz. La vida cambia. Dichoso soy estando a tu lado. Amor, amor, soy muy feliz. Hoy la vida tiene fin, un bello significado. Me siento como hechizado. Lo siento solo por ti y tú para mí la vida ha cambiado. Dichoso soy estando a tu lado. Amor, amor, soy muy feliz. ¡Wow! Lejos de ti, ni paz ni reposo. Cerca de ti, todo es maravilloso. Amor, amor, soy muy feliz. Soy muy feliz. ¡Wow! Amor, amor, soy muy feliz. ¡Wow! These fucking drug dealers. After about a that year they start to lose weight. Sit down. It's not my fucking problem, mate. You see it out in a bar, can't have a laugh with these twats. Just look at you like you're going on about something you shouldn't be going on about. What are you gonna do? Why don't you get your main supplier over here then? It won't take him 5 minutes. Fucking wanker only lives in St. Anne's. Why don't you tell him I'm a sex worker? He'll come over then. In fact, why don't you tell him I'm a sex worker on crack? And I'm willing, in fact, more than willing, to be a slave to wither and worm through the rotten soil of nowhere land. To live on scraps fed from the palm of his hand. Go and get your fucking man, chicken! Vous êtes dans la machine à son. Make it fast, make it slow, but make it. There's always someone wants to spoil your fun when your fun has just begun. So I'm gonna find some little girl and we're gonna go on the run. I'm gonna take her down to Broadway where the lights and the music are gay. How to play every night and every day. Cause I won't, yes I won't. Nobody's spoiling my fun. You know I'm gonna dress her up real fine. So much you're gonna blow your mind. Gonna put her a habit on. You know you wanna go along. I'm gonna show her how to lose. Oh baby, baby blues. And I'm gonna give her love. Some love she really can use. Cause I won't, yes I won't. Nobody's spoiling my fun. Gonna find a me a place where the band plays the night and day. And if the policeman plays his call, it don't get in at all. And if you would go and a pound on the wall, no one cares at all. And the phone ringing out in your hall. Cause I won't, yes I won't. Nobody's spoiling my fun. We're gonna dance all the night and day, no matter what the people say. And when the sun comes shining, it'll just be me and you. And when I want to hold you tight, I know I will say it right. And when I go and kiss your lips, gonna send you on your trip. Cause I won't, yes I won't. Nobody's spoiling my fun. Yeah, I'm with you, darling. Come on down, down to Broadway, where the lights, the music are so gay. Gonna teach you how to play. Every night, every day, it's alright. Just right on down on Broadway, and all the police just off the way. Yeah, come on, y'all. Yeah, y'all. Well, I had to leave town because of Uncle Sam's deal. Well, I guess my good lovin' done lost its appeal. Because when I come back, I heard the bad, bad news. They say our big romance has been getting abused. I'll tell the truth, don't lie to me. Have you been step, step, step, step, step, step, step it on me? I got ways of finding out. Step it out on me. But do me dirt and I'll give you a piece. to get some good, good loving. And I've been away too long. I'll start stepping up one side of this town and down the other. Hey! perdu dans la vie. En te perdant, ma chère Sylvie, je me suis perdu dans la vie. En te perdant, ma chère amie, je suis perdu depuis ce jour. Quand j'ai senti flétrir l'amour, je suis perdu depuis ce jour. Quand tu m'as quitté, mon amour. Mais non, Sylvie, reviens à moi. Moi, je t'attends, viens dans mes bras. Mais non, Sylvie, je ne crois pas que j'ai perdu toute la joie. Je suis perdu depuis ce soir. Quand j'ai vu dans tes beaux yeux noirs chanter l'adieu et le départ. Depuis, je vois le monde noir. Mais non, Sylvie, reviens à moi. Moi, je t'attends, viens dans mes bras. Mais non, Sylvie, je ne crois pas que j'ai perdu toute la joie. Je suis perdu depuis ce soir. Quand j'ai vu dans tes beaux yeux noirs chanter l'adieu et le départ. Depuis, je vois le monde noir. Mais non, rassurez-vous, vous n'êtes pas perdu, vous êtes dans la machine à son. Some rock and roll. What if my baby wants some rock and roll? Jimmy Stone, Jimmy Trump, and Betty White guitars. Jimmy baby wants some rock and roll. Watching that one blues. No, no, no, no. machine and I live in your street. Not a wink and it makes me sick. I'm always feeling better when I'm staying sick. Oh, stopping now when I irritate. Put your fingers in your one I hate. Take a second, baby, just to wait. Dynamite's coming, gonna detonate. Oh, dynamite's coming, you better run. Dynamite's coming, you better hide. Dynamite's coming, you better run. Dynamite's coming, gonna cut your sight. Oh. Oh, Molly, yeah. oui, on l'a encore fait avec le professeur. Bravo professeur, vous êtes formidable. Vous êtes vraiment assez incroyable. Si ce n'était vous, je ne ferais pas d'émission. Et oui, c'est clair. Donc ce soir, vous avez entendu dans cette fantastique émission Make It Fast, Make It Slow, But Make It, juste derrière, plus ou moins. Et non, parce qu'on m'a bricolé un machin, et du coup, je peux pas vous mettre pendant que je parle. Alors j'arrête de parler. Voilà. Donc derrière, vous avez Soft Machine. Avant ça, vous avez écouté l'excellent Alessandro Alessandroni. Un peu de théâtre no avec Monsieur Puig, faut que je me dépêche. Killer Kin, Two Sisters, Bernard, l'excellent Bernard qui était perdu. Nacelle Riwan, excellent aussi, pas perdu du tout. Stelvio Cipriani, Paul Revern de Raiders, The Seeds, The Matador, les Stephen Moyes, Zuckerzeit, Pot Pot. Jacques Loussier avec un petit peu de Pink Floyd et de Puig aussi, Los Samara et Rob, Make It Fast, Make It Slow. Bonne nuit.